Chapitre 2e. Un an après, en 98, je me trouvais à Paris, à l'époque où les élèves du conservatoire concourent pour les prix d'exécution et de composition. Je m'y rendis un jour où le concours était ouvert pour le prix de violon. Par malheur, j'arrivais trop tard pour juger moi-même du talent des élèves. Un seul restait à entendre, et encore, je me trouvais tellement masqué par la foule que je ne pus le voir. Je me contentais d'écouter. Aux premières notes, je faillis tomber à la renverse. Je crus d'abord que les oreilles me tintaient, ou que les coups d'archet du violon invisible de Lyon me poursuivaient comme un spectre. Machinalement, je saisis la main d'un capitaine qui m'avait accompagné, et j'écoutais encore. C'étaient bien les notes suaves que j'avais entendues au concert de la baronne. Je m'enivrais longuement de cette ambroisie harmonieuse, quand d'universel bravo me réveillèrent enfin. Le jeune homme avait gagné le prix. Chacun se retirait lentement, mais moi, poussé par la curiosité, je m'informai du nom du lauréat. On me l'apprit, et je rentrai au conservatoire pour demander à lui parler. Il vint à moi. Jugé de ma stupeur en reconnaissant le jeune homme de Lyon, celui qui avait acheté chez Carly un violon de Crémone. À l'instant, il me reconnut aussi. Je lui sautai au cou, et depuis ce temps, nous fûmes amis. 3 mois consécutifs, nous nous vîmes tous les soirs. Nous faisions ensemble de la musique. Enfin, l'instant des adieux arriva, et je partis un jour pour l'Italie avec l'armée française, après nous être promis de nous écrire souvent. 2 années plus tard, en 1800, j'étais en Allemagne, où je venais d'être nommé colonel, lorsqu'un soir, en rentrant à mon hôtel, on m'apprit qu'un lieutenant m'y attendait. Je montai et je reconnus Lucien. Obligé, comme tant d'autres, de partir pour l'armée, il s'était engagé sous les drapeaux de Desaix, et son précoce courage lui avait valu l'épaulette de lieutenant, qu'il échangea peu après contre celle de capitaine. Notre reconnaissance fut toute de joie, et nous passâmes ensemble près d'une année, suivant la même carrière et les mêmes dangers. Ce fut le lendemain de la bataille de Marengo qu'il fut nommé capitaine, et quelques mois plus tard, Lucien était aux galères. Écoutez, écoutez. La passion de Lucien pour la musique l'avait suivi au milieu des camps. Car l'homme vraiment artiste ne peut se détacher de ses pensées innées, se dépouiller du souvenir de son art. Nos instants de bonheur étaient ceux où, enfermés dans une chambre étroite, auprès d'un feu pétillant et de quelques bouteilles de vieux rhum, nous étudions, comme 2 frères, les conceptions admirables des grands maîtres. Un soir, il me proposa de nous réunir à d'autres officiers de l'armée et de donner un concert. Le projet me souriait, je l'acceptai, et nous fixâmes le jour. Jour fatal, qui devait, comme la plupart des choses, commencer par de la joie et se terminer par du sang. Ce concert n'eut point lieu, comme nous l'avions d'abord imaginé, car au bout de quelques heures, il fut remplacé par l'orgie. Les têtes peu à peu s'exaltèrent par les vapeurs du punch et les joyeux propos, au point qu'enfin, l'orgie devint tout à fait complète. Lucien venait d'exécuter un solo tellement brillant que de tous côtés il avait excité la plus vive admiration. Il n'y avait pas assez de mains pour applaudir, on trépignait. Un bon officier, mauvais musicien, s'offensa des éloges donnés à Lucien et le défia au violon. Lucien voulut refuser le défi, mais on le força d'accepter. Il prit donc son fatal violon, et dès les premières notes, on le couvrit d'applaudissements. Son antagoniste lui arracha le violon des mains, et dès les premières notes, on le couvrit de huées. Il continua, les huées continuèrent. Alors il se leva furieux, lança autour de lui des regards sanglants, et apercevant Lucien, il le jeta avec colère le violon au visage. Lucien évita le coup, et le violon alla se briser contre le mur. Le capitaine aurait pardonné sans doute l'injure d'un homme ivre, mais la perte de son violon, mais la perte de son autre ami, tout son bonheur d'harmonie détruit de la sorte, toute sa vie future déshéritée de joie, cette pensée le rendit presque fou, et dans sa folie, il hurla, tira son épée, et avant qu'on eût pu s'y opposer, il tua le malencontreux lieutenant de 2 coups dans la poitrine. La famille du lieutenant était noble et puissante, elle employa tout son crédit, et 1 mois après, Lucien se mourait dans un cachot. 2 mois encore après, le tribunal le condamnait à 20 ans de travaux forcés, et 15 jours plus tard, le pauvre capitaine expiait sa faute à Rochefort. Cependant, avant sa condamnation, j'avais obtenu la permission de le voir dans sa prison, et là, après m'être longtemps attristé sur son malheur, je lui remis son violon, raccommodé avec art par un ouvrier habile. La possession de son instrument bien-aimé le rendit presque fou de bonheur pour un moment. Depuis, ce violon ne l'a pas quitté, et il m'a avoué qu'il lui a rendu supportable et légère une existence flétrie et honteuse pour tant d'autres, que sa consolation unique était d'en tirer des accords, et que si on eût voulu l'abréger de 10 ans sa réclusion pour qu'il se séparât de son violon, il ne l'aurait point accepté. À Rochefort, je lui fis parvenir plusieurs fois quelque argent pour adoucir ses maux, et je l'avais tout à fait perdu de vue depuis sa sortie du bagne lorsque je le retrouvais en 1828. Il avait des cheveux blancs. Après l'avoir forcé à me reconnaître, je lui proposai de l'argent. Il me refusa. Il me répondit qu'il avait toujours son violon et qu'il était heureux. Je le crus presque, malgré ses haillons. Un soir enfin, revenant du spectacle, j'entendis sur le boulevard Saint-Martin des sons qui me transportèrent aux jours de ma jeunesse. J'écoutais, c'était le violon de Crémone. Le lendemain, je fis remettre à Lucien, par une main inconnue, une somme en or, et tous les 3 mois, je lui adressais 100 francs de la même manière. Depuis, je l'ai revu, je suis allé chez lui, nous avons parlé de nos campagnes, et il ne me quitte jamais sans pleurer. L'année dernière, il s'est avisé de me souhaiter ma fête. Le pauvre capitaine m'a fait un présent que je conserverai toujours. Et le général tira une montre d'or de son gousset. Il continua ensuite. Je voulus lui faire des reproches. Il me répondit, « Général, depuis quand ne m'est-il plus permis de disposer à ma fantaisie de l'or que vous m'avez envoyé ?» J'étais stupéfait. Je ne répondis rien. Cette année, ne pouvant m'offrir un semblable cadeau, il a voulu me donner son violon. Vous l'avez vu, et je l'ai refusé. Ici finit l'histoire de Lucien. Le lendemain, il ne vint pas à l'heure du déjeuner. Le général s'en étonna. À midi, il n'était pas encore arrivé, et le général courut chez lui. Il frappa à sa porte, personne ne répondit. Quelques indications inquiétantes le déterminèrent à l'enfoncer de vive force. Il trouva Lucien étendu dans sa chambre, mort. Près de lui était son violon, en éclats. Et le comte André eut raison de supposer qu'en entrant chez lui, le vieillard avait voulu, comme il le faisait chaque soir, tirer quelques accords de son violon, que celui-ci avait glissé de ses mains débiles et s'était brisé, et que le capitaine, qui avait supporté 20 ans d'opprobre et de misère, n'avait pu survivre une nuit à la perte de son violon. Ainsi s'achève L'homme au violon par Alphonse Brault.